Dialogue. Votre permis, s'il vous plaît. Écoutez. Bonjour, madame. Votre permis, s'il vous plaît. Tout de suite. Mais pourquoi? Vous allez trop vite. Vous êtes en ville. Voilà mes papiers. Mon permis de conduire, ma carte d'identité. Merci. Votre carte grise. Vous n'êtes pas de Paris. Où est votre domicile? Le Mans. Ça va pour aujourd'hui, mais attention. Oh, merci beaucoup. Répétez. Bonjour, madame. Votre permis, s'il vous plaît. Tout de suite. Mais pourquoi? Vous allez trop vite. Vous êtes en ville. Voilà mes papiers. Mon permis de conduire, ma carte d'identité. Merci. Votre carte grise. Vous n'êtes pas de Paris. Où est votre domicile? Le Mans. Ça va pour aujourd'hui, mais attention. Oh, merci beaucoup.